Salut, c'est marrant parce que je fais pas ça souvent, parler sur Internet, du moins parler à l'oral, mais quand je le fais, c'est pour parler de polyamour. Et aujourd'hui, j'ai envie de discuter un peu parce que je sais pas, c'est la fin de l'année, joyeux solstice, et j'ai l'impression d'avoir beaucoup mûri dans mon polyamour cette année, d'avoir beaucoup grandi quelque part. Il y a de nombreuses choses qui ont changé et qui ont changé d'une façon qui m'a troublée, mais qui est au final, je crois, positive. La première chose, c'est que je ne suis plus jalouse. Voilà, je suis partie pendant 6 mois et loin de mon compagnon, de la personne avec qui je vis et je partage ma vie. Et j'avais très peur de ce qui allait se passer pendant ces 6 mois parce que je savais que il aurait d'autres gens. Parce que c'est normal, parce que c'est logique. Je pensais que moi aussi, mais en fait, ça n'a pas été le cas de mon côté. Et je me disais, j'avais peur de ma réaction parce que si je réagissais de la façon dont je réagissais auparavant, c'est-à-dire un peu une crise de jalousie, me sentir trahi, me sentir blessé, avoir besoin d'attention, etc., ça n'allait pas être possible puisqu'on n'était pas dans le même pays. Et en fait, je l'ai très bien vécu. C'est vraiment, et ça ne m'a absolument pas dérangé, ça ne m'a pas ému plus que ça, peut-être, ce qui est peut-être la chose qui a été difficile à digérer au début, de me rendre compte que j'avais une espèce d'indifférence. Et cette indifférence-là, elle m'a troublée, elle m'a touchée. Je me suis dit, mais j'ai changé, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis devenue pour que le fait que mon amoureux et des amoureuses ne me touchent plus. Et ouais, au début, ça m'a fait bizarre parce que c'était très loin de ma façon explosive et jalouse de répondre d'habitude. Mais en fait, c'est bien. C'est-à-dire que j'ai cessé d'avoir des attentes et de me sentir entitled. D'avoir l'impression qu'il me doit quelque chose. Et ouais, j'ai l'impression que j'ai dépassé une aporie fondamentale dans mon polyamour, c'est-à-dire ce moment-là où je ne parvenais pas à me réjouir du fait que les personnes que j'aimais et d'autres personnes autour. Et donc ça, c'est une première chose, je ne suis plus jalouse. Une autre chose qui en dérive, c'est donc que j'ai l'impression de ne plus attendre des choses, de ne plus attendre de la réciprocité notamment. C'est-à-dire que cette année, je suis tombée amoureuse. Ou en tout cas, j'ai eu des sentiments tendres, des sentiments différents de sentiments simplement amicaux pour des personnes qui n'y ont pas forcément répondu. Et c'est pas grave en fait. Je prends du plaisir dans ces sentiments-là et je ne les ai pas étouffés et je n'ai pas ressenti le besoin de le faire parce que j'ai du mal à dire tomber amoureuse, mais c'est quelque chose comme ça, un petit amour peut-être. Genre, je suis tombée amoureuse de personnes qui pouvaient entendre que j'étais tombée amoureuse d'elles sans m'en tenir rigueur et sans se sentir obligée à une réciprocité. C'est-à-dire que. J'ai compris par ces choses-là que l'amitié n'était pas exclusive de l'amour et que, contrairement à ce qu'on nous... on nous gave avec ces représentations-là un peu à longueur de journée, de si tu es amoureux ou amoureuse d'une de tes amies, il faut que tu le caches ou il faut que tu t'en guérisses, ou alors il faut que vous deveniez petites amies, parce que cet entre-deux-là, il n'est pas possible. Le fait d'avoir des sentiments de façon unilatérale n'est pas compatible avec la société, ou avec l'amour, ou avec l'amitié, ou je ne sais quoi. En fait, si, c'est tout à fait compatible. C'est tout à fait compatible. Et maintenant, je sais que je peux avoir des sentiments pour des personnes et leur exprimer dans une certaine mesure, parce que bien sûr, ça peut. Je ne m'autorise pas autant de tendresse, autant de mots doux, de mots d'amour exprimés envers les personnes m'ont dit qu'elles ne voulaient pas être dans une relation amoureuse avec moi, bien sûr, mais quand même, je sais que je peux leur dire, je sais que si à des moments j'ai besoin de parler des sentiments que j'ai pour elles, je peux, et que ces personnes-là ne m'en voudront pas, qu'elles comprendront, et qu'elles me soutiendront dans mes sentiments si peut-être je me sens un petit peu seule à ce moment-là, ou etc. Enfin, j'ai cessé de voir la réciprocité comme une fin, comme quelque chose de nécessaire. C'est sympa la réciprocité, c'est clair. Et probablement que une des raisons pour lesquelles je suis capable d'être sereine face à la non-réciprocité, c'est que je suis quand même aimée. J'ai au moins une personne qui m'aime. Et je suis, me sens très sécure dans cette relation-là. Et forcément, ça me rend plus chill. Ça me rend plus détendue et plus moins dans le besoin d'amour. Alors, je peux accepter que il y a des personnes à qui je vais donner de l'amour et qui ne vont pas m'en donner en retour. Mais cette configuration-là, qui est en fait clairement plus anarchiste relationnelle que polyamoureuse, même si pour moi, il n'y a pas de... il n'y a pas un polyamour ou il n'y a pas une anarchie relationnelle. Enfin, c'est tellement divers, ça dépend tellement des gens et il y a tellement de configurations possibles que c'est pas forcément utile de les séparer. J'ai perdu le début de ma phrase. ouais, cette configuration-là, anarchiste relationnelle, elle implique de se départir des étiquettes, c'est-à-dire d'arrêter de dire c'est mon copain, c'est ma copine, c'est mon compagnon, mon amant, ma maîtresse, etc. Ces étiquettes-là, elles sont complètement éculées en fait. Quand je dis c'est mon compagnon pour parler de Théo, je dis ça parce que c'est la personne avec qui je vis et avec qui j'ai une relation en fait qui est totalement intelligible dans le cadre mono-hétéronormatif de la société. On est un homme, une femme, en apparence du moins, on vit ensemble. Ça, la société, elle peut gérer quoi. Mais comment est-ce que je décris la relation que j'ai avec une personne que j'aime? Mais avec qui j'ai une relation d'amitié intellectuelle et dans laquelle mes sentiments amoureux ne jouent pas ou jouent d'une façon qui n'est pas centrale. Comment est-ce que j'exprime cette personne-là? Est-ce que c'est juste un ami? Quand je dis un ami, j'ai l'impression de mentir un peu quand même. J'ai l'impression de cacher des choses. C'est pas vrai, c'est pas simplement un ami, mais on manque de termes descriptifs, bien entendu. Quand je dis, je ne vais pas dire comment dire? Tout le monde n'a pas besoin ou envie de savoir quand je parle d'une personne quelle est exactement ma configuration relationnelle avec cette personne. Et effectivement, c'est mon intimité. Quelque part, on pourrait dire, mais qu'est-ce que je m'en fiche, j'exprimais ça. Et effectivement, j'ai besoin de renoncer à l'expression de ces choses-là. Mais en même temps, il y a quelque chose de pédagogique et je tiens beaucoup à faire de ma vie quelque chose dont les autres puissent tirer de l'inspiration ou de la représentation. Ça peut paraître extrêmement arrogant, mais en fait, pour moi, c'est pas du tout ça. Je pense que toutes les personnes dans un cercle social sont des modèles les unes pour les autres. Et donc ne pas exprimer que je peux avoir des relations platoniques, unilatérales ou des relations qui sont sur un spectre amitié-amour sans être clairement définies. Ne pas exprimer ça, ça revient à en nier l'existence, et notamment l'existence sociale. Et peut-être qu'il y a des personnes autour de moi que ça aiderait beaucoup de savoir que... Je peux avoir des sentiments pour quelqu'un sans en souffrir et sans que cette personne m'aime en retour. C'est pour ça que il y a quelque chose d'un petit peu complexe à cette absence d'étiquette. D'un côté, je pense que les étiquettes, c'est tout pourri. Et de l'autre, je pense que ça sert quand même à ne pas se sentir totalement seul. À ne pas se sentir un freak, à se sentir illégitime, se sentir bizarre parce qu'on ressent des choses. Donc laisser tomber ces étiquettes-là, c'est quelque chose qui est assez compliqué et qui me pousse à la paraphrase, en fait, comme je suis en train de faire ici en quelques minutes. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite allocution. Ouais, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, un podcast. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est important de se rendre compte qu'on est pétri de normes sociales et on est pétri de culpabilisation, on a la société qui arrive derrière et qui dit tu dois te sentir jalouse parce que tu dois ressentir un sentiment de possessivité envers ton partenaire. Ou encore, si tu as des sentiments amoureux pour une personne, tu dois te sentir coupable car l'amour est incompatible avec l'amitié. C'est un petit peu comme c'est un petit peu le concept de deux personnes de sexe opposé ne peuvent pas être amies. Déjà, bon, c'est hyper hétéronormé, mais en plus, c'est du bullshit, quoi. Et on peut être amis avec des amoureux, on peut être amis avec des amantes, on peut être amis avec des personnes avec qui on a eu des relations sexuelles, on peut être amis avec des personnes avec qui on a été en couple, en trouple, en mille, enfin. Il n'y a aucun rapport de cause à effet, non, d'exclusivité entre amour et amitié, à mon sens. Et c'est quelque chose qui est important de réaliser. Et c'est la faute de la société, tout ça. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que ça fait déjà 11 minutes que je parle, apparemment. Simplement, je pense que quand on accepte que on peut être attiré par des personnes sans que ces personnes doivent être attirées par nous, quand on accepte cette plasticité-là, en fait, moi, ça me rend heureuse, en fait. Moi, ça me rend heureuse parce que quelque part, je peux accueillir cette espèce de new relationship energy qu'on a quand on tombe amoureux. Je peux accueillir ce truc-là hyper positif et ne pas me sentir coupable ou ne pas me sentir dans l'expectative parce que finalement, c'est autotélique, quoi, le but de ce sentiment-là et dans le sentiment lui-même. Il ne doit pas nécessairement y avoir une issue. À ces sentiments-là. Et cette évolution qu'il y a eu dans mon polyamour, comme je l'ai dit, elle m'a fait un peu, elle m'a attristée un petit peu au début parce que j'ai eu l'impression de perdre en intensité. En perdant en jalousie, je me suis dit que je perdais en intensité. Et en fait, cette intensité-là, je l'ai trouvée ailleurs. Je l'ai trouvée dans cet éclatement des relations possibles, dans la multiplication des opportunités, la multiplication des sentiments et dans l'acceptation que il n'y a pas une façon unilatérale de se représenter une relation et d'exprimer ou de ressentir de l'amour. Voilà, je vous souhaite donc un joyeux solstice et à bientôt dans mon prochain podcast dans 6 mois.